Aujourd'hui à Assemblage Requis, on se fait un brunch rigolo avec les gars des Incorrigibles. Et dans sa chronique Paul is Dead, Simon Fitzbay ne parlera pas de Maxime Lemieux Laramé. Ben quoi, il aime ça entendre son nom, la petite chouette. Assemblage Requis, mercredi 15h.